toutes, bonjour à tous. On se retrouve du coup pour un podcast à nouveau qui va servir d'introduction à cette nouvelle séquence sur la nature. Alors normalement, si vous avez bien fait votre travail de mercredi, vous avez pu lire les pages 12 à 17 du livre qui sont vraiment très importantes parce que vous le savez, un cours de philo, au début, on essaie de définir la notion. On part du langage courant, du langage de la vie de tous les jours. Et après, on essaye de creuser un peu la définition pour avoir un concept philosophique. Donc on passe, comme le dit votre livre, du mot au concept. C'est bien fait. Et une fois qu'on a ce concept, on essaie de voir les problèmes que ça pose. Et ensuite, le cours, c'est juste tenter de voir quelles réponses certains auteurs ont pu apporter à ces problèmes qui se posent. Et souvent aussi voir les problèmes qui sont amenés par les réponses que les philosophes ont tenté d'apporter à ces problèmes. Donc finalement, on arrive à d'autres problèmes. Ce qui vous embête souvent en philo, c'est qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Entre guillemets, il y a juste des tentatives de réponses qui elles-mêmes amènent d'autres problèmes. Mais bon, c'est la matière, c'est le principe. C'est comme ça, hélas pour vous. Du coup, partons du mot dans le langage courant. Souvent, quand on dit nature, on pense à quoi? On pense très basiquement, j'imagine, pour vous et pour moi, à la campagne en fait. Ah, je vais aller dans ce week-end, je suis allé dans la nature, c'était super. Ça peut être le premier sens. Sens d'environnement non citadin, quoi, on va dire, même si c'est un peu bête. Ensuite, il y a la nature au sens d'environnement, mais tout l'environnement en fait, toute la nature. Souvent, on confond dans ce sens-là nature avec univers. En fait, c'est les lois de la nature. C'est à la nature. C'est incroyable, et quand on dit la nature, c'est presque avec un N majuscule en fait. On parle de la nature en général, même de la nature au sens universel. Là, du coup, on aurait le sens extérieur du mot nature un peu. Donc la nature soit comme environnement non urbain, soit comme univers. Tout ce qui est extérieur à nous et qui ne porte pas directement la marque de l'activité humaine. Et ensuite, après, souvent, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, dans le langage courant, l'autre sens qu'on donne au mot nature, l'autre sens dans lequel on emploie ce mot, c'est en termes de nature humaine, une sorte de tempérament profond, genre « Ah, c'est dans mon nature d'être comme ça, j'y peux rien ». Là, ce serait le sens du coup plutôt intérieur. Et ce sens intérieur, il rejoint un peu l'idée qu'on a déjà vue il y a très longtemps, l'idée du repère essentiel accidentel. Ici, pour nature humaine, on pourrait très bien dire « essence de l'humain » en fait, ça serait la même chose. Là, du coup, on a un peu les deux grands sens du mot « nature » dans le langage courant tel qu'on l'emploie tous les jours. Soit la nature extérieure à nous, que ce soit la campagne ou l'univers, soit la nature intérieure de l'humain, qui serait, oui, du coup, son essence. Et ces deux sens, on peut essayer de les regrouper dans une définition, dans un concept de nature qui marcherait autant pour le sens extérieur que pour le sens intérieur. Parce que ces deux utilisations du mot nature, elles ont un point commun. Lequel, bah, vous vous rendez compte que dans les deux cas, et je l'ai un peu évoqué en parlant pour la campagne d'un environnement qui ne porte pas la trace directe de l'action humaine, dans les deux utilisations du mot nature, dans le langage courant, l'utilisation extérieure et l'utilisation intérieure, en fait on se réfère à des réalités, à des phénomènes qui sont donnés, qui n'ont pas été créés, qui sont déjà là en fait. On n'a pas besoin d'y toucher, on n'a rien fait et c'était déjà comme ça. Donc pour ça que je différencie, que j'oppose ce qui est donné et ce qui est créé, ce qui est naturel et ce qui est artificiel. Du coup, la définition qu'on pourrait donner du mot nature, elle est dans votre livre à la page 14, si je me trompe pas, c'est l'ensemble du réel moins l'artificiel. Et ça, c'est naturel. Ça, c'est ce qui est la nature. Et en philo, la grande distinction qu'on fait entre ce qui est naturel et ce qui est créé, c'est pas une opposition entre naturel et artificiel, même si ça pourrait marcher jusqu'à un certain point. Nous, en philo, contrairement au langage courant, pour parler de tout ce qui est créé par l'humain, on emploie le mot culture. Donc la nature, elle s'oppose à la culture, et c'est la grande distinction qu'on va faire dans ce chapitre. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est donné? Qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce que l'humain n'a pas créé? Et qu'est-ce qui est culturel? Qu'est-ce que l'humain a créé? Qu'est-ce qui est d'origine et de fondement humain? Qu'est-ce qui a été fait par l'homme? Du coup, le mot culture, il a un sens beaucoup plus large que le sens courant, le sens dans lequel vous l'employez tous les jours. Ici, la culture, c'est pas juste être fort au Trivial Poursuite ou connaître des dates en histoire. C'est vraiment, ça s'applique à toutes les réalités, tous les phénomènes qui ont été créés par l'humain. Et très vite, dès qu'on a cette distinction entre nature et culture, on peut commencer déjà à voir des problèmes se poser. Si je reprends l'exemple de la campagne, qui est un peu la réalité la plus basique et la plus immédiate, la plus proche de nous, à laquelle on peut penser quand on pense à la nature, « Ah, cette semaine je suis allé dans la nature, c'était super », est-ce qu'elle est vraiment naturelle? Est-ce qu'elle est vraiment donnée? Est-ce qu'il n'y a pas d'intervention humaine qui façonne cette réalité, à savoir des paysages non urbains? Si vous allez dans n'importe quelle campagne, est-ce que vous pouvez vraiment dire que c'est naturel? Alors que ça fait des milliers d'années que l'activité humaine délimite ces espaces, les façonne, je sais pas, on tond la pelouse, ou alors on laisse ici une forêt pousser, mais tout autour il y a des routes, tout autour il y a des espaces utilisés, et cet espace là il est circonscrit, il est laissé tranquille, mais au milieu de tout un maillage d'activités humaines. Du coup c'est plus du tout naturel en fait, c'est imbriqué dans la culture, du coup c'est la campagne en fait, c'est culturel. Et ça c'est un exemple qui montre rien que ça, qu'il faut commencer à décaler un peu son point de vue par rapport aux mots tels qu'on les emploie tous les jours, parce que c'est un peu plus général que ça, les sens dans lesquels on emploie ces mots en philo. Au sens où du coup, ce qu'on a l'air de prendre pour de la nature, la campagne, en fait c'est de la culture, finalement. Et ça c'est juste un exemple pour vous montrer un peu que ces deux concepts, nature, culture, permettent de poser plein de questions, plein de problèmes qui sont intéressants et qui peuvent remettre en cause certaines conceptions qu'on peut avoir de fait sans vraiment y réfléchir. Vous avez dans le livre, dans les pages que je vous ai donné à lire, des exemples de ça, plus précisément appliqués au corps humain. Des choses qui sont naturelles mais qui très vite ont été influencées par la culture et qui du coup aujourd'hui ne sont plus tant naturelles que ça. Le fait que nos mâchoires soient devenues moins puissantes parce que maintenant on a l'habitude de manger de la nourriture molle, plus molle qu'avant, bah ça c'est culturel. Du coup l'état de nos mâchoires actuellement est culturel parce que c'est le produit d'une évolution influencée par la culture sur des millénaires. Donc même dans le corps qu'on pourrait penser totalement naturel, il y a plein de choses qui en fait sont culturelles aujourd'hui. Donc ça c'est juste... Ce sont des exemples, on y reviendra peut-être dans le fil de notre discussion et de nos cours, mais des exemples pour vous montrer à quel point les distinctions de nature et culture sont pertinentes et utiles pour poser des problèmes. En parlant de problèmes, on va venir à ceux qui vont nous occuper pendant ce cours. Donc c'est le B de la feuille que vous avez, qui est l'intro de la séquence 4. Le A, normalement, vous avez pu le remplir grâce aux pages du livre. Et là, je viens de vous donner la correction en fait avec tout ce que je viens de dire dans le podcast. Si c'est pas clair, la correction, elle est en ligne sur le cahier de texte, mais là, en fait, tout ce que je viens de dire... Si vous avez juste bien écouté, il y a toute la correction du A et de ces textes à trous. Donc, quel problème on va se poser pendant ce cours? Il y aura trois séries de problèmes, on va dire trois champs problématiques qui sont notre A, notre B, notre C, et qui correspondent en fait plus ou moins au sens du mot nature qu'on a donné philosophiquement. Le premier champ de problème, le A, il va concerner la nature au sens de l'univers. Si on considère que la nature, ça peut être un mot pour désigner l'univers, et si on pense à l'univers, à tout ce qui n'est pas humain, mais qui existe, les questions qu'on peut se poser, les problèmes qu'on se poser, c'est, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait dans l'univers? C'est quoi notre place à nous, humains, dans l'univers? Quel rôle on a à jouer dans la nature? Ça, c'est un problème assez large, on va l'évoquer rapidement, mais c'est un problème qu'on peut se poser. Et ce problème-là, il est lié, en fait, à un problème un peu plus profond qui vient, en fait, en premier, pour se demander quelle place on a dans l'univers, quel rôle l'humain a à jouer dans l'univers. On peut se demander, est-ce que l'univers a un sens? Est-ce que la nature, c'est déjà là? On n'a rien fait, nous, et c'était déjà là. Mais comment ça se fait que ce soit là? Et comment c'est organisé? Est-ce qu'il y a un plan, une organisation à la nature, ou est-ce que c'est juste le fruit du hasard? Ça, ce sont les deux problèmes de notre A, en fait. Donc dans la partie B du cours, là, de l'intro, vous avez les deux tirets, en fait, ça va être les deux questions qu'on se posera dans le A de notre séquence 4. Je sais qu'il y a des B et des A partout, c'est un peu compliqué. En gros, là, vous avez l'intro, A, B. Le A, c'est la définition des concepts et des mots. Le B, c'est les problèmes qu'on va se poser. Et dans ce B, les deux premiers tirets, ils correspondent à ce qu'on va dire dans le A du cours. Parce que là, on n'a fait que l'intro, on n'a pas fait le A, B, C. Voilà. Si c'est plus clair, j'espère. Du coup, les deux textes à lire pour mercredi, ils concernent cette problématique-là. Celle du A, celle de l'organisation, du sens, de l'univers, de la nature. Ensuite, dans le B, on se posera des problèmes plus liés à la nature, au sens intérieur, au sens de essence de l'humain, nature humaine. Et nature humaine, on peut le dire directement, et il y a un petit texte à trous qui vous en parle là, dans le B, dans la pièce jointe du cahier texte. Nature humaine, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Nous, on en a parlé par rapport à Hobbes et Rousseau, parce que leurs théories s'appuyaient toutes les deux sur une vision de la nature humaine. Hobbes avait une vision très pessimiste de l'humain, Rousseau une vision un peu plus neutre ou optimiste de l'humain, de la nature humaine. Mais parler de nature humaine, c'est vraiment très vite dangereux, parce que ça peut vite être le fondement, soit de stéréotypes, ah bah les femmes c'est comme ça, c'est dans leur nature, par exemple, soit de fausses excuses, ah bah c'est dans ma nature, j'y peux rien, je suis comme ça, je peux pas changer. Et ça peut aussi être des justifications pour des normes en fait, une norme, ça ressemble un peu à une loi, parce que ça dit ce qui devrait être. Ça ne décrit pas, ça ne dit pas ce qui est de fait, ça dit ce qui devrait être. Ça définit ce qui est normal. Et du coup, la nature peut être utilisée comme justification. On dit « Ah bah ça c'est naturel, c'est normal ». Et ça c'est un argument qu'on retrouve parfois pour justifier des choses assez horribles. La justification qui disait que les homosexuels ne pouvaient pas se marier, c'est que c'était « contre nature », entre guillemets. C'était pas naturel, pas normal. ce qui est faux. Même dans la nature, il y a des animaux qui ont des relations homosexuelles, par exemple. Mais du coup, très vite, le concept de naturel peut être utilisé pour supporter, pour fonder, pour justifier des jugements de valeur, qui sont des jugements qui ne sont pas basés sur des réalités, sur des faits, mais sur des habitudes sociales, des habitudes morales, sur des choses qui nous conviennent mieux, mais qui ne sont pas en accord avec la réalité. C'est pas des jugements sur ce qui est, c'est des jugements sur ce qu'on pense qui devrait être à cause des habitudes morales et sociales qu'on a, donc des jugements de valeur. Donc vous voyez que le concept de nature humaine, il est, ou de naturel, si on parle du dernier exemple avec les normes, il est très vite dangereux, très vite problématique, et du coup on va quand même essayer, malgré ces difficultés à utiliser ce mot, qui est du coup très vite problématique, de savoir si l'humain a une essence ou pas, si l'humain a une nature humaine. Et est-ce qu'il en a une ? Premier problème, est-ce que l'humain a une nature humaine ? Est-ce que l'humain a une essence ? Oui ou non ? Ce sera le premier problème du B, de notre cours. Et le second problème, ce sera, s'il en a une, c'est quoi ? C'est quoi ce qui définit essentiellement l'humain ? Et enfin, le C, la dernière partie de notre séquence 4, concernera les productions culturelles humaines, et justement la question de si chaque peuple a sa culture, a ses propres productions humaines qui définissent les mentalités des gens, etc., qui créent des normes et des habitudes sociales et morales. Si chaque peuple est immergé dans sa propre culture, comment nous pouvons objectivement juger la culture des autres ? Est-ce que c'est possible pour nous, Français, de objectivement juger la culture américaine, sénégalaise, coréenne, etc. ? Est-ce qu'on peut donner notre avis sur une autre culture humaine ou pas ? Est-ce que c'est possible d'être objectif là-dessus ? Ce sera la dernière partie qui rejoint du coup cette idée. On rentrera plus en détail sur ce qu'est la culture, parce que là on a beaucoup parlé de nature dans le A et dans le B. Dans le C, on parlera un peu plus de culture, de production culturelle, de ce qui a été créé par l'humain, et voir si on peut les comparer, si on est capable en fait de le faire, puisqu'on est tous pris dans une certaine culture. Ça sera la fin de notre cours, la dernière partie, le C, de cette séquence. Ça, ce sont du coup tous les problèmes qu'on va se poser à partir des mots qu'on a définis, à savoir les mots nature et les mots culture. Voilà du coup cette intro. On a défini les mots importants, ça nous a donné des concepts plus précis, et ces concepts ont pu nous permettre de voir les différents problèmes qu'on allait pouvoir se poser. Et notre cours constituera, comme d'habitude, en l'analyse de certaines réponses possibles qui elles-mêmes amènent d'autres problèmes. J'espère que c'est clair. Je vous invite vraiment, vraiment à lire les pages 12 à 17 qui vont vous donner du vocabulaire et des outils pour mieux penser ce qu'on va dire ensemble en cours. Et pour mercredi, vous savez que vous avez du coup les textes pages 22 et 23, si je ne me trompe pas, à lire. Et il faut répondre aux questions. Comme ça, on pourra les corriger plus rapidement, en fait. Si vous avez déjà répondu aux questions, vous les aurez lues attentivement et on pourra en classe plus vite les corriger. Parce qu'on essaie d'aller un peu plus vite. Le rythme va s'accélérer en cette fin d'année. Parce que j'ai été trop long sur les premiers chapitres. Du coup, on va plus se servir du livre et aller un peu plus à l'essentiel et un peu plus vite. Du coup, je vous demanderai de travailler un peu plus, effectivement. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le cours, du coup, cette séquence d'introduction, elle est disponible, complétée dans le cahier de texte. Vous pouvez corriger ce que vous avez pu faire, du coup, mercredi. Et si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me les poser par mail. J'y répondrai. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite bon.